force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ces derniers temps, tu fais sortir des mauvaises paroles. Hein, mon frère, ces mauvaises paroles, l'ennemi peut les récupérer, hein, pour bloquer ta vie. Demande pardon, annule toutes ces mauvaises paroles. Les circonstances que tu vis, les difficultés que tu vis, ne doivent pas te permettre de commencer à parler mal sur ta vie, à te plaindre de Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Il dit, je connais des projets que je forme pour toi, projets de paix et non de malheur. Renverse les projets de malheur que l'ennemi a conçus pour toi. Réveille-toi, nous allons prier. Nous sommes à OSP, opération sous la brèche. Apocalypse 1, 9 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons donc Apocalypse 1, 9 à 20. Moi Jean votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-les aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retrouvai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, car je suis le premier et le dernier. » Et les vivants, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de ce chandelier d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne l'identité du disciple de Jésus-Christ. Lorsque je suis disciple de Jésus, je suis chrétien, il y a trois éléments importants auxquels nous avons part. D'abord, il y a les tribulations, ensuite le royaume et enfin la persévérance. Le verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance. Vous voyez, la vie chrétienne est réaliste. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons part seulement à l'héritage matériel, aux voitures, aux voyages, au mariage. C'est vrai, en Jésus, nous bénéficions de ces choses. Mais ici, on nous montre aussi qu'il y a des tribulations. Lorsque Jean écrivait Apocalypse, il se trouvait dans une île, l'île Patmos, parce que il était en exil, en quelque sorte, à cause des persécutions dont les chrétiens furent l'objet au temps des empereurs romains qui étaient divinisés. Il dit, moi, Jean, votre frère qui est part avec vous. C'est-à-dire, nous aussi les chrétiens. C'est vrai, nous ne recherchons pas les tribulations, les épreuves. Mais les épreuves font partie de notre vie chrétienne aussi. Vous voyez, ça c'est très important. C'est comme de l'or, de l'argent éprouvé par le feu. Mais après cette tribulation, il y a la gloire qui arrive. La deuxième chose, nous avons part au royaume. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est un privilège. Quand on parle du royaume, il y a toujours les deux dimensions. Il y a le déjà, il y a le pas encore. Le déjà, ça veut dire que le règne de Christ se manifeste dans notre vie. C'est un règne qui se caractérise par la manifestation de sa présence, de sa puissance. Et nous devons régner sur le péché. Nous devons régner sur les forces du mal. Il manifeste son règne au milieu de nous en accomplissant aussi des miracles. Ça, c'est l'aspect de déjà. Mais il y a aussi l'aspect du règne futur, les pas encore, dont beaucoup de gens néglige. Jésus revient bientôt. La manifestation pleine de son royaume se fera lorsqu'il reviendra. Nous entrerons dans ce règne-là. Troisième chose auquel nous avons part, c'est la persévérance. La persévérance est une conséquence logique de tout ce que nous venons de voir. Lorsque j'endure des tribulations, lorsque j'attends le retour de Jésus, je dois persévérer. C'est pourquoi Jésus lui-même disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, il aura part à cette délivrance finale des infirmités corporelles. Deuxième vérité, c'est la description de la gloire de Jésus. Lorsque nous voyons la manière dont Jean décrit Jésus, nous voyons que le Christ glorieux, celui qui est sorti du tombeau, il est décrit comme quelqu'un qui marche dans la gloire. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui sont décrits ici. On dit, il est assis au milieu de cette chandelier. Oui, 7, c'est le chiffre de la plénitude. On parle de 7 yeux. Qui sont les esprits de Dieu. Attention, cette expression veut montrer la plénitude du Saint-Esprit dont Jésus était rempli. La Bible nous parle de la couleur blanche de ses cheveux. La couleur blanche qui reflète la sainteté, la pureté. Ses yeux sont comme des flammes de feu, telles les infrarouges. C'est-à-dire, ces feux sont capables de pénétrer les profondeurs de l'homme, du secret de l'homme. Nous ne pouvons rien lui cacher, parce qu'il voit même ce qui est caché. Ses pieds étaient semblables à des lérins. Ceci nous montre le jugement que Christ exerce sur son Église pour le purifier par la discipline, par la correction. L'épée qu'il porte à double tranchant montre que c'est une épée pour frapper les ennemis de son Église, les ennemis du chrétien. Cette épée symbolise le jugement des ennemis de son peuple. Donc, il combat en notre faveur. Un tel Christ est glorifié. Lorsqu'on le voit, même Jean lui-même ne pouvait pas résister. On dit, il est tombé comme mort. Oui, je vais dire à quelqu'un, oh, là où tu es, je prie pour que Jésus-Christ glorifié dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière, puisse se révéler à toi. Toi qui vis des moments difficiles, Jésus glorifié, il est capable de se révéler à toi. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, oui, il est capable de se révéler à toi, comme il s'est révélé à Saul de Tarse. Troisième vérité concerne les titres de Christ. Il y a encore 3 titres qui reviennent ici. Il est le premier et le dernier. Écoutez ce qu'il dit au verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est lui qui était au commencement, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a commencé l'histoire et celui qui va la terminer. Si Jésus-Christ n'a pas encore mis les points, ce que les hommes font, ce sont des virgules. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a les derniers mots sur ta situation, sur ta vie, sur ta santé, sur ton voyage, sur ton visa. Deuxième titre, il est vivant au siècle des siècles. Ceci montre que Jésus est sorti du tombeau. Ce qui fait la différence entre Jésus et les autres leaders religieux, ceux qui se disent prophètes, c'est que les autres sont restés dans le tombeau, mais Jésus est sorti du tombeau. Et s'il est sorti du tombeau, il est capable d'agir dans ta situation. Il est capable de te faire sortir de là où on t'a mis, de là où les sorciers t'ont bloqué. Ils ont bloqué ton enfantement, ils ont bloqué ton travail. C'est lui qui est vivant au siècle des siècles, il est capable d'agir. Il vit au siècle des siècles. Il ne peut plus mourir. Est-ce que tu comprends? Et troisièmement, on dit, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Oui. Vous savez que lorsque les gens meurent, ils partent dans le séjour des morts. Et celui qui détient la clé, parce que toutes ces personnes attendent le jugement dernier, celui qui détient la clé de la mort du séjour des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut décider qui iront au paradis, qui iront au ciel et qui iront en enfer. C'est celui-là qui a le pouvoir du jugement. Il est celui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je voudrais que nous puissions élever nos voix pour célébrer son saint nom par ces cantiques. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le roi de gloire, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, toi le roi de gloire, le Seigneur de gloire. Nous t'élevons, toi qui as fait de ton Église un royaume de sacrificateurs. Sois magnifié de ce que malgré la tribulation, nous sommes plus que vainqueurs. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous dis que nous régnerons avec toi. Sois magnifié, ô Père, toi qui nous rends persévérants. Oui, tu es celui qui nous soutient dans la marche. Ta grâce nous suffit. Nous te bénissons, ô Jésus, toi le Seigneur des Seigneurs, toi l'alpha et l'oméga, toi le feu dévorant, toi qui tiens les sept chandeliers, le Dieu omniscient, le juge juste. Sois béni, ô notre Dieu, toi qui t'es révélé à nous et qui agis jour après jour dans nos vies. Nous bénissons ton nom, toi qui détiens la clé de toutes choses. Que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce passage. Jésus-Christ, en tant que chrétien, nous avons part aux tribulations, au royaume et à la persévérance. Peut-être que toi qui m'entends, tu vis des moments difficiles. Depuis un certain temps, des épreuves, tous les enfants sont tombés malades. Il y a un problème au niveau de ton travail. Tes indemnités sont bloquées. Tu vas prier le Seigneur pour dire merci pour cette tribulation. Mais tu vas persévérer. Prie pour que Dieu te donne la persévérance pour que tu puisses triompher, pour que tu ne puisses pas perdre ta foi à cause de ces difficultés. Prions le Seigneur. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, te recommander ce matin tes enfants qui sont éprouvés. Il y a un esprit de non-accomplissement, l'avancement bloqué, la promotion bloquée. Il y a des situations difficiles à comprendre. Oh, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable. Nous avons des exemples dans la Bible, l'histoire de Anne, l'histoire d'Abraham, l'histoire de beaucoup de tes enfants. tu es toujours intervenu d'une manière miraculeuse. Donne la persévérance, donne l'endurance, donne la foi, donne un esprit guerrier, un esprit de prière, un esprit notre Dieu, notre Père qui amène tes enfants à être toujours à la brèche, à ne jamais se décourager, mais à toujours avoir les regards fixés sur toi. Les moments sont difficiles, mais avec toi, nous vaincrons. Souviens-toi de tes enfants. Et intervient puissamment dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir la description de Jésus-Christ glorifié. Celui, oui, qui est assis au milieu de sept chandeliers. Celui dont les yeux sont semblables, oui, au feu. Celui qui est assis au milieu de sept étoiles. Celui qui a l'épée à des tranchants. Tu vas prier pour que sa gloire se révèle dans ta vie. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie et je veux que tu puisses frapper avec ton épée tous mes ennemis, toutes les forces des ténèbres qui cherchent à bloquer ma vie, qui cherchent à bloquer mon foyer, qui cherchent à bloquer mes enfants au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu le ressuscité. Béni sois-tu celui qui était, qui est et qui vient. Béni sois-tu l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Père, dans Exode 33, verset 18, la Bible dit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Seigneur, cette année, je prie que tu nous donnes, ô Dieu, de voir ta gloire dans notre vie. Père, cette année, nous voulons que la honte capitule loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, cette année, nous voulons des retournements de situation financière dans nos vies. Père, cette année, que la crise, que le manque, que, oh Dieu, la moisissure, que... Papa, les œuvres des ténèbres soient ôtées de nos vies. Père, cette année, nous prions que ta parole soit oui et amen. Que chaque jour, la maladie disparaisse de nos corps. Que la maladie soit vaincue dans nos corps. Que la maladie soit anéantie dans nos corps. Père, cette année, nous prions que tu élargisses notre vie spirituelle. Père, cette année, que la bénédiction de l'Éternel soit notre partage. Nous maudissons les œuvres de la chair. Nous maudissons et nous brisons tout joug, toute malédiction qui pesait sur nous. Que tous les démons qui se sont levés pour nous empêcher de voir ta gloire recule, tombe au nom de Jésus-Christ. Père, visite cette famille. Écrase les œuvres des ténèbres. Donne-nous de t'aimer, de te servir et de faire rien que ton œuvre pour l'avancement de ton royaume au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus est le premier et le dernier. Celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu vas invoquer sa puissance. Toi qui souffres, toi qui es malade, quelle que soit ta situation, tu vas dire, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es vivant au siècle des siècles. Manifeste ta vie au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es poursuivi par un esprit de mort. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais celui qui vit au siècle des siècles, il est capable de ressusciter tes affaires, de ressusciter tout ce que tu fais. Tu vas invoquer son nom au nom de Jésus. La force dans la prière. Opération à toi la gloire ce matin, le premier et le dernier. L'étoile brillante du matin, le fidèle, le ressuscité, notre avocat, celui qui a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre, au nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit. Nous prions ce matin, le nom nous invoquons, le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité, notre avocat. Maintenant même, nous ordonnons, nous commandons, nous conjurons, nous agirons au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de Dieu, que tous les maux dans nos corps sortent maintenant, soient brisés maintenant, renversés maintenant, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute infirmité et de guérir toutes les maladies. Au nom de Jésus, que la victoire de Jésus soit sur ta vie maintenant et reçois la guérison. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que nous aurons notre grande rencontre bonheur conjugal pour les célibataires ce dimanche 24 janvier. Nous aurons la visite de notre sœur Maïka Moukeba qui viendra pour la circonstance. Et c'est pourquoi nous avons déplacé cette rencontre. Elle se tiendra à l'auditorium des écoles méthodistes, en face des chutes de Cocody. Et nous allons commencer la rencontre à 16h. C'est pour les célibataires et tous ceux qui veulent venir. T'aimes, lève-toi pour entrer en possession de ton mariage. Ne ratez pas cette rencontre, l'entrée est libre. C'était OSB, au revoir et à demain.